jour Emmanuel touchera le ciel du bout des doigts et il rira en ondulant comme une mer à sa surface. Un jour Emmanuel acquiescera un cœur crevé qui ne battra rien que pour elle. Emmanuel, à cette beauté des jours d'orage, elle vous serre dans ses bras, elle se mouille, elle se casse à votre place. Emmanuel entrera les soirs chez elle avec le sourire d'une demoiselle couchée dans un lit au drap de soie. Un jour, Emmanuel sera convié au Walhalla pour des parties de jambes en l'air avec des héros athlétiques. Un jour, Emmanuel m'a pardonné d'être lâche comme un élastique distendu, ni en toute élasticité. Emmanuel, à cette beauté des jours d'orage, elle vous serre dans ses bras, elle se mouille, elle se casse à votre place. Sera sur ses flots.